Chapitre 21. Berthe et Pépin. Le sergent qui les guide a reconnu la place. Le vieil arbre, le chemin creux, c'est bien cela. Un grand besoin d'agir soutient leurs forces lasses. Mais naturellement, Berthe n'était plus là. Déjà le ciel brunit. Le cœur du roi tressaille. Et son dernier espoir s'éloigne avec le jour. Mais voici que dans l'ombre, écartant la broussaille, cette femme qui vient, c'est Berthe, son amour. Tandis qu'elle brodait, rêveuse en sa chaumière, le cœur plein d'un mystérieux et tendre émoi, il lui sembla qu'un ange en robe de lumière de loin lui faisait signe et lui disait « Suis-moi ». Sans surprise, docilement, elle est venue. Elle est là maintenant, grave et craintive un peu. Le roi Pépin la prend par sa blanche main nue, et les parfums du soir embaument leur aveu. C'est donc vous cette fois, vous que j'ai tant aimé, vous que je pressentais absente obscurément. Je vous ai. Votre main tremble en ma main fermée. Ce n'était donc pas vous qui faisiez mon tourment. Je regarde et je vois, quand je maudissais l'autre, et que je détestais son âme en son beau corps. Le corps seul, que j'aimais, était un peu le vôtre, et je ne pouvais pas adorer sans remords. Je comprends maintenant pour quel espoir tenace, malgré moi, mon amour ne voulait pas mourir. L'avenir était sombre en moi, vaine menace. Mon cœur ne s'est pas clos, puisqu'il devait s'ouvrir. Et toi, que faisais-tu? Moi, ce n'est pas ma faute, si l'autre avait sa place en mon lit, sous mon dais. Toujours assis, couché, nous vivions côte à côte. Et Berthe, en rougissant, lui répond, j'attendais. Blanchefleur, à son tour, s'approche, et l'on s'embrasse. On pleure et l'on sourit. Tableau simple et charmant. Mère et fille, femme et mari, je vous fais grâce, et ne décrirai point leur attendrissement. Vous saurez seulement que dans le crépuscule, dont la pénombre tendre emplit au loin les bois, Pépin parlait d'amour sans être ridicule. Et vraiment, c'était bien pour la première fois. Maintenant, le public aime qu'on le renseigne sur les héros qu'on laisse en des cas hasardeux. C'est un vœu trop connu pour que je le dédaigne. Sachez donc en trois mots tout ce qu'il advint d'eux. Je ne vous ai pas dit que Margiste était morte. C'est un oubli. Margiste est morte ayant pris froid. D'Alix et de Tibère, l'histoire nous rapporte que Berthe intercéda pour eux auprès du roi. Blanchefleur retourna très heureuse en Hongrie. Maître Simon devint sabotier de la cour. Emploi que l'on créa tout exprès, je vous prie. Quant à Berthe et Pépin, ils s'aimèrent d'amour. Vous voyez ? Tout cela finit par un sourire. L'histoire est toute simple, et je n'ai qu'un regret, c'est que pour la conter, il a fallu l'écrire. Et puis conter en vers, c'est peut-être indiscret.